Le maître d'école assassin par Edward Bulwer-Lytton. Le 3 août 1759 était une belle journée, calme et claire. C'était celle qui avait été fixée pour le jugement d'Eugène Aram. Éléonore entra dans la chambre de Madeleine, sa sœur, et la trouva assise devant son miroir, occupée à ranger avec un soin extrême sa luxuriante chevelure. « J'aurais désiré, dit Madeleine, vous voir prendre vos plus beaux vêtements, comme pour un jour de fête. Comme vous le voyez, je prends moi-même ce que j'aurais dû porter le jour de mon mariage. » Éléonore tressaillit. Est-il rien de plus terrible que de voir les signes extérieurs de la gaieté accompagner la réalité la plus douloureuse ? « Oui, reprit Madeleine, avec un sourire d'une douceur inexprimable. Un peu de réflexion vous prouvera que si nous devons prendre le deuil, ce n'est point en un jour comme celui-ci. C'était l'attente sans but qui nous rongeait le cœur. S'il est acquitté, comme je le crois, comme je l'espère, voyez combien cette toilette de fête sera en rapport avec notre joie. S'il ne l'est pas, je rentrerai en toilette de mariée, à la maison où nous devions habiter après le mariage. Ah ! Ajouta-t-elle, après un court silence. Et d'une voix où perçait une gravité soudaine. Vous souvenez-vous de ce que Eugène nous disait un jour, que quand on descend à midi jusqu'au fond d'un puits, on peut alors apercevoir les étoiles, qui sont invisibles en plein jour pour celui qui a les pieds sur le sol. Maintenant même, des profondeurs de notre souffrance, surgissent des apparitions célestes qui se dessinent clairement devant mes yeux. Et je sais, j'ai vu, je le sens ici, ajouta-t-elle, en appuyant sa main sur son cœur, je sens que ma course est finie. Il ne reste plus qu'un peu de poussière dans le sablier. Dépensons avec courage et sans les compter ces derniers instants. Restez ici, Éléonore. Vous voyez ces pauvres pétales de roses flétries. C'est Eugène qui me les donna, le jour, la veille du jour qui avait été fixé pour notre mariage, et je devais les porter à cette occasion. Comme elles étaient fraîches, ces pauvres fleurs, quand il les cueillit, j'en ai séché la rosée par mes baisers, et voyez dans quel état elles sont maintenant. Mais allons, ce sont là des enfantillages. Il ne faut pas que nous soyons en retard. Aidez-moi, Éléonore, hâtez-vous, faites diligence. Voyons, vous dis, je vous ai déjà dit que je veux être paré aujourd'hui comme pour un jour de fête. Et lorsque Madeleine fut habillée, quoique ses vêtements fussent devenus trop larges pour sa personne amaigrie et épuisée par la douleur, elle se tenait droite, regardant Éléonore avec un sourire plus attristant que des larmes, et jetant ensuite un coup d'œil au miroir. Jamais sa beauté n'avait eu un caractère plus imposant, plus élevé. Elle avait sans doute l'air d'une fiancée, mais d'une fiancée que n'attend pas un mariage terrestre. À ce moment, elles entendirent frapper à la porte, mais comme d'une main tremblante et irrésolue. C'était leur père, le vieux Lester, qui s'annonçait ainsi et qui venait leur demander si elles étaient prêtes. « Entrez, père, » dit Madeleine, d'une voix reposée et même gaie. Le vieillard obéit. Il jeta un regard silencieux sur la toilette blanche de Madeleine, puis sur son propre vêtement, qui était un vêtement de deuil. Ce regard en disait bien long, mais pas un mot n'en vint atténuer l'expression de la part des trois personnes qui étaient présentes. « Oui, père, » dit Madeleine, rompant enfin le silence par une réponse à cette interrogation muette. « Nous sommes prêtes. La voiture est-elle ici ?»« Elle attend dans la porte, mon enfant. » « Viens alors, Éléonore, viens, » dit Madeleine en s'appuyant sur le bras de sa sœur et se dirigeant vers le seuil. Parvenue là, elle s'arrêta et jeta un regard autour de la chambre. « Vous avez oublié quelque chose ?» demanda Éléonore. « Non. » « Je ne voulais que faire mes adieux à cette maison, » dit Madeleine d'une voix douce et touchante. « Et maintenant, avant de la quitter, mon père, ma sœur, j'ai encore un mot à vous dire. Vous avez toujours été bon. » Très bon pour moi dans cette épreuve difficile, et je ne saurais laisser passer ce jour sans vous remercier. Éléonore, mon amie de cœur, ma sœur chérie, vous qui avez partagé mes jeux lorsque j'étais gai, vous qui m'avez rendu le courage quand j'étais dans le chagrin, vous qui m'avez soigné quand j'étais malade, et cela depuis l'époque où nous n'étions l'une et l'autre que des enfants, nous avons causé ensemble, ri et pleuré ensemble, nous avons connu les pensées l'une de l'autre, et nous savons qu'il n'est aucune de ces pensées dont nous ayons à rougir devant Dieu. Nous allons nous séparer. Ne me retenez pas. Il faut qu'il en soit ainsi, je le sais. Mais quand un certain temps se sera écoulé, puissiez-vous retrouver le bonheur, puissiez-vous retrouver l'entrain et la plénitude de la vie. Serez-vous heureuse? Je le souhaite plus que je ne l'espère. Vous êtes faite pour connaître l'amour et le foyer domestique, pour contracter ces liens que vous désiriez pour moi. Dieu veuille que j'aie souffert pour nous deux, et que lorsque nous nous reverrons, vous puissiez me dire que vous avez été heureuse ici. Et vous, mon père, que vous dirai-je? Reprit Madeleine en s'arrachant à l'étreinte de sa sœur en larmes et tombant à genoux devant le vieux Lester, qui s'adossait à la muraille, prêt de succomber à son émotion et se cacher la figure de ses mains. Que puis-je vous dire? Vous qui, dès ma plus tendre enfance, ne m'avez jamais dit une parole sévère, vous qui avez toujours fait céder l'autorité paternelle devant l'amour paternel, comment vous dire ce que je ressens pour vous? Comment vous exprimer ce qui remplit mon cœur et ces souvenirs qui surgissent en foule et m'étouffent? Le temps viendra où vous verrez autour de vous les enfants d'Éléonore et où la pauvre Madeleine ne sera plus pour vous qu'un souvenir. Mais eux, ils veilleront sur vous, ils vous soigneront, ils défendront vos cheveux gris contre le chagrin, ils feront ce que j'avais espéré faire moi-même. Mon enfant, vous me brisez le cœur. Bégaya enfin le pauvre Lester, après de vains efforts pour raffermir sa voix. Donnez-moi votre bénédiction, mon cher père, dit Madeleine, dominée elle aussi par son émotion. Placez votre main sous ma tête, bénissez-moi. Dites-moi que si jamais je vous ai causé un moment de chagrin, sans le vouloir, je suis pardonné. Pardonné, répéta Lester en relevant sa fille dans ses bras faibles et tremblants, et laissant tomber ses larmes sur la joue de Madeleine. Jamais je n'ai mieux senti la présence d'un ange à mon côté. Mais sois courageuse, console-toi. Il se peut que le ciel nous ait réservé pour aujourd'hui même notre récompense, et que Gêne revienne au milieu de nous libre, acquitté, triomphant. Ah, dit Madeleine, comme si ces paroles lui rendaient le sentiment de la situation. Hâtons-nous pour voir l'accomplissement de votre prédiction. Oui, oui, il faut que cela soit, il le faut. Puis il ajouta d'une voix creuse, comme si son enthousiasme avait été atteint par une pensée soudaine. Sans mon rêve, je croirais que cela se passera ainsi. Mais partons, maintenant je suis prête. La voiture s'avança lentement à travers la foule qu'avait réunie la nouvelle du procès. Mais les rideaux furent tirés. Le père et la fille échappèrent ainsi au pire des supplices, aux regards indiscrets et curieux des étrangers. Des places leur avaient été réservées dans la salle d'audience. Lorsqu'ils descendirent de voiture et entrèrent dans ce lieu redoutable, la figure patriarcale de Lester, les deux figures voilées et frissonnantes qui se tenaient auprès de lui, arrêtèrent tous les yeux. Ils gagnèrent enfin leur place, et bientôt après, le mouvement qu'on entendit au dehors détourna d'eux l'attention. C'était la cour qui faisait son entrée. Le premier témoin parut, prêta serment, et enfin ce fut le tour d'Aram, qui fut conduit à la barre des accusés. Lester et ses deux filles voyaient enfin le prisonnier. Madeleine éprouva un violent battement de cœur. Mais aussitôt, poussant un profond soupir, elle se remit et resta immobile, calme, fixant ses yeux sur la figure d'Aram. La contenance du jeune homme était celle qu'il fallait pour rendre du courage à Madeleine et ajouter un sentiment d'orgueil à la sympathie profonde qu'elle éprouvait, avec une sorte d'élan, de spasme lancinant. Sans doute, on apercevait sur la physionomie du jeune homme quelques traces incontestables de ses souffrances. La bouche, surtout, autour de laquelle l'inquiétude écrit le plus profondément ses alternatives, était restée plissée de rides. Quelques cheveux gris apparaissaient déjà parmi les boucles brunes et ondoyantes de son épaisse chevelure. Avant son emprisonnement, il paraissait beaucoup plus jeune qu'il ne l'était réellement. Mais depuis, on eût aisément cédé à l'illusion contraire pour lui donner plusieurs années de plus. Mais l'éclat particulier et si remarquable de son regard n'avait rien perdu de sa force. Son vaste front était resté blanc. Il ne présentait pas l'ombre d'une ride et gardait toujours son air calme et imposant. Avec sa haute taille, sa sérénité impassible, il dominait la foule, la scène, le juge, promenant son regard devant lui et autour de lui. Parmi ceux-là même qui le croyaient coupable, ce respect involontaire et irrésistible qu'inspire toujours la fermeté du caractère faisait naître un intérêt puissant en sa faveur, et chacun, sans se douter de ce qu'il éprouvait, se laissait aller à l'espérance d'un acquittement. Un témoin, Haussmann, fut appelé. Il était impossible de le regarder sans ressentir un mouvement de méfiance et une secrète antipathie. Chez les hommes enclins à la cruauté, on trouve presque toujours dans la physionomie un trait qui rappelle quelque animal. L'assassin et le débauché ont souvent la même conformation physique. Le cou de taureau, les lèvres épaisses, le front fuyant, l'œil remarquable par son expression sauvage et son extrême mobilité, tous ces détails qui vous font penser à l'aspect que présente un buffle au moment même où il va devenir dangereux, sont les signes extérieurs qui annoncent une nature animale dans sa rudesse, quand rien n'a pu l'adoucir, l'apprivoiser, la discipliner. Une nature qui ne connaît que les impulsions premières et n'obéit qu'à ses impulsions, soit qu'elle lui commande le plaisir ou qu'elle demande un acte de violence. Et cette expression animale était gravée profondément dans tous les traits de la physionomie de cet homme, où elle était encore accentuée par je ne sais quoi qui indiquait une intelligence bornée et une certaine lâcheté de caractère. Il prit la parole, et d'une voix hésitante entrecoupée, celle d'un complice qui pour sauver sa vie dénonce le crime commun, il raconta le fait. Dans la nuit du 7 au 8 janvier 1744, à 11h moins quelques minutes, il était entré chez Aram. Il avait causé de choses et d'autres pendant une heure environ. 3 heures après, accompagné d'un certain Clark, il avait passé auprès de la maison qu'habitait Aram. Celui-ci était dehors, comme s'il se disposait à rentrer chez lui. En les voyant, il les avait invités à entrer. Ils avaient obéi. Clark, qui se proposait de quitter la ville avant le lever du soleil, dans le but de cacher une certaine somme qu'il possédait, était sur le point de partir. Aram lui proposa de l'accompagner jusqu'au dehors de la ville. Aram et lui, Haussmann, partirent avec Clark. Lorsqu'ils furent arrivés dans l'endroit où se trouve la caverne de Saint-Robert, Aram et Clark y pénétrèrent après avoir franchi une haie. Lorsqu'ils eurent fait 8 ou 10 pas dans la caverne, il vit Aram se disputer avec Clark. Il vit Aram frapper Clark à plusieurs reprises. Clark tomba pour ne plus se relever. Il ne vit pas l'instrument dont Aram s'était servi. Il ne savait pas qu'Aram eut une arme quelconque sur lui. Sur cela, sans intervenir, sans donner l'alarme, il prit la fuite et rentra chez lui. Le lendemain, s'étant rendu chez Aram, il lui demanda ce qui s'était passé, quelle affaire il avait eue avec Clark la nuit d'avant. Aram, au lieu de répondre à ses questions, l'avait menacé. Dans le cas où il dirait qu'il avait été avec lui et Clark, il avait juré que si Haussmann ne gardait pas le silence, lui, Aram, se vengerait ou serait vengé par une autre personne. Telle fut en somme la déposition de Haussmann. Ensuite, on entendit un certain M. Beckwith. Il déclara que l'on avait fait des fouilles dans le jardin d'Aram, à raison de certains soupçons vagues, qui lui imputaient un rôle dans les vols commis par Clark, et que les fouilles avaient amené la découverte de quelques lambeaux de toile et d'étoffe vendus par Aram à Clark quelque temps auparavant. Le troisième témoin fut un veilleur de nuit nommé Thomas Barnett. Il déposa qu'un peu avant minuit, c'est-à-dire vers 11h du soir, il avait vu quelqu'un sortir de chez Aram. Cette personne avait un grand manteau, dont elle avait mis le capuchon sur sa tête. Cette personne l'ayant ensuite rabattu, Thomas Barnett avait reconnu Haussmann, à qui il s'était contenté de souhaiter bonne nuit. Les agents, qui avaient exécuté le mandat d'arrêt lancé contre Aram, rapportèrent quelques mots qui lui étaient échappés à ce moment-là, et d'autres qu'il avait dit avant d'arriver à Knaresborough, mais on n'y attacha aucune importance. Après ce témoignage, l'audience fut suspendue un instant puis reprise. Un frisson d'horreur agita le public. C'était le frisson qui s'empare de toute foule en présence de restes humains. Le témoin qui comparaissait alors était un témoin muet. C'était le crâne de la victime. Sur le côté gauche se voyait une fracture telle qu'eût pu la produire un instrument mousse. L'os était brisé, et le fragment ne pouvait être remis à sa place que par une main se mouvant à l'intérieur du crâne. Le chirurgien, M. Locock, qui avait apporté la pièce, exprima l'avis qu'une telle fracture ne pouvait être la conséquence du séjour prolongé dans le sol, qu'elle devait être le résultat immédiat d'un coup porté avec l'instrument qui avait été déterré en même temps que le crâne et après un long séjour sous terre. C'était le témoignage plus considérable contre Aram. Nous laissons de côté des détails moins importants qui terminèrent cette partie de l'audience. On pose alors à Aram la terrible et embarrassante question qu'avait-il à répondre ? Jusqu'à ce moment, Aram avait gardé toute son impassibilité. Ses yeux noirs et perçants s'étaient fixés successivement sur chacun des témoins qui étaient venus déposer contre lui, puis il s'était abaissé de nouveau. Mais alors, une légère teinte de rougeur passa sur ses joues. Il parut rassembler ses forces et les concentrer pour la défensive. Il jeta un regard sur le tribunal, comme pour juger de l'impression qu'on éprouvait à son égard, puis ce regard s'arrêta sur les cheveux gris de Lester, qui, les yeux dirigés vers le sol, se cachait la figure avec ses mains. Mais à côté du vieillard se dressait la silhouette imposante de Madeleine, pareille à une statue de marbre. Même à la grande distance où il se trouvait d'elle, il pouvait apprécier l'intense attention qu'elle apportait à cette scène. Lorsqu'elle saisit ce regard, et vit dans ses yeux une telle profondeur d'amour, de pitié, de compassion pour elle, un vague sourire d'encouragement, de triomphe anticipé, apparut sur les lèvres de la jeune fille, et donna à sa physionomie cette expression que les vieux maîtres d'autrefois, fidèles imitateurs de la nature, employaient pour rendre la lutte de l'espérance et l'angoisse de la terreur. « My lord, » dit alors Aram, dont la défense remarquable existe encore, et est considérée comme un chef-d'œuvre d'habileté chez un homme qui plaide sa propre cause dans de telles circonstances. « My lord, je ne sais si c'est en vertu de mon droit, ou grâce à l'indulgence de votre seigneurie, que j'ai la liberté de me défendre à cette barre. Je n'ai point l'expérience nécessaire pour prononcer un discours en forme. Mais quand je vois tant d'yeux fixés sur moi, un auditoire aussi nombreux, aussi imposant, dominé par je ne sais quelle attente, je suis accablé, non sous le poids d'une faute, mais par l'embarras. En effet, je ne me suis jamais trouvé en présence d'un tribunal comme celui-ci. Je suis complètement ignorant en matière de loi. Je n'entends rien aux usages du barreau et aux mesures judiciaires. Je crains donc de ne pouvoir présenter ma défense en termes parfaitement convenables, avec l'à-propos nécessaire, et je me demande même si je serai en état de dire quelques mots. J'ai entendu, my lord, l'accusation qu'on porte contre moi, et d'après laquelle je serai coupable du plus grand crime qu'un homme puisse commettre. Vous voudrez donc m'écouter avec patience, si, étant inhabile comme je le suis, privé d'amis, n'ayant point d'avocat pour me conseiller, je tente de vous soumettre quelques arguments pour ma défense. Je n'ai que peu de choses à dire, et cette brièveté même sera ma meilleure défense. My lord, l'ensemble de ma vie est en opposition directe avec l'accusation. Quel est l'homme, qui connaissant à fond tout mon passé, peut m'imputer aucun vice, aucun crime? Non, je n'ai point formé de projet de fraude, je n'ai point entrepris d'actes de violence, je n'ai fait tort à aucun, dans sa personne ou dans ses biens. Mon existence est écoulée dans un labeur honnête. Mes nuits ont été consacrées à l'étude la plus appliquée. Cet éloge que je fais de moi-même n'a rien de présomptueux, rien qui choque la raison. Quel homme, après toute une vie de tempérance, après des années employées à penser et à agir droitement, et sans qu'on ait à lui reprocher le moindre écart dans sa conduite, est capable de se précipiter du premier coup dans l'abîme du crime et d'en atteindre aussitôt toute la profondeur? L'homme ne se corrompt pas soudainement. Le crime est précédé par des fautes dont la culpabilité va par degrés. Ce n'est que pas à pas qu'on descend. Si ma vie, considérée dans son ensemble, contredit l'accusation, ma santé, à l'époque dont il s'agit, la contredit bien plus fortement encore. Peu de temps auparavant, j'étais alité, après avoir traversé une longue et cruelle maladie. Cet état a disparu fort lentement, et seulement en partie. Bien loin d'être en parfaite santé à l'époque qu'on indique, je ne me suis jamais bien remis jusqu'à présent. Un homme, dans l'état où je me trouvais alors, est-il capable d'avoir commis un acte de violence contre un autre homme? Moi, faible, convalescent, aurais-je pu, sans aucun motif qui me déterminât, sans aucune disposition pour m'encourager, sans armes pour exécuter une telle action, comment aurais-je pu la commettre? My lord, Clark a disparu, c'est vrai, mais cela prouve-t-il qu'il soit mort? L'erreur à laquelle on s'exposerait en soutenant de telles conclusions est manifeste. J'en ai bien des exemples à vous citer, mais je me bornerai à un seul, parce qu'il s'est passé dans ce château même. En juin 1757, William Thompson, malgré toute la vigilance avec laquelle il était surveillé, malgré les doubles chaînes dont il était chargé, s'est échappé en plein jour. Quoi qu'on ait lancé immédiatement à sa poursuite, quoi qu'on ait répondu partout son signalement, tout a été inutile. On n'a jamais entendu parler de lui. Si cet homme a pu se glisser invisiblement à travers tant d'obstacles, combien il a été plus facile pour Clark de disparaître, alors qu'il n'avait point à vaincre autant de difficultés. Et cependant, qui aurait voulu entreprendre d'accuser celui qui aurait été vu en dernier lieu avec William Thompson? L'on a découvert ses ossements. Dans quel endroit? De tous les endroits auxquels on peut songer, il n'en est qu'un auquel on peut s'arrêter quand il ne s'agit pas d'un cimetière, c'est un ermitage. Autant jadis, un ermitage n'était pas seulement une retraite pour quiconque voulait se livrer à la solitude religieuse. C'était encore un lieu de sépulture. Jamais on n'a entendu dire qu'il y ait eu un ermitage et qu'on n'y ait point découvert à une époque ou à une autre quelques débris humains, tantôt mutilés, tantôt entiers. Permettez-moi de rappeler à votre seigneurie que ce lieu-là était connu comme la retraite d'un saint et que l'ermite ou l'anachorète, en y habitant, espéraient qu'après leur mort, leurs ossements seraient assurés d'un repos éternel, dans l'endroit même où ils avaient vécu en repos. Je vois surgir dans ma mémoire quelques preuves démontrant que ces cavernes ont servi à abriter des morts, et qu'il en existe plusieurs qui sont semblables à la caverne de Saint-Robert. Le prisonnier cita alors, avec un à-propos remarquable, plusieurs localités où l'on avait exhumé des ossements humains, dans des circonstances analogues, et le lecteur, s'il se souvient que d'après la loi, toute accusation d'homicide doit être basée sur la découverte du cadavre, comprendra combien il importait à l'accusé d'insister sur ce point. Aram cita deux exemples de squelettes déterrés dans des champs aux environs de Knaresborough et reprit sa défense en ces termes. « My lord, est-ce qu'on oublie, est-ce qu'on dissimule ces découvertes quand on représente comme un fait extraordinaire la découverte qui me concerne ? Qu'il soit extraordinaire, c'est pourtant un événement assez fréquent. Il n'est pas d'endroit qui ne renferme des restes de ce genre. Les champs, les collines, les fossés des grandes routes, les terrains vagues, les biens communaux en contiennent fréquemment, dont l'existence n'est révélée que par le hasard. Et remarquez ceci, c'est que chaque découverte ne fait trouver qu'un seul squelette. Toutes les fois qu'on en a trouvé deux ensemble en Grande-Bretagne, le fait a paru suspect et extraordinaire. Mais il fallait cette circonstance pour que l'attention fût frappée. Avons-nous oublié combien il fut difficile de se prononcer dans le cas de Perkins Warbeck et de Lambert Simnel pour déterminer leur identité alors qu'ils étaient vivants, et nous décidons-nous avec plus de hardiesse en présence d'ossements qui ne révèlent pas même le sexe de la personne à laquelle ils ont appartenu? Comment savez-vous même si c'est là le squelette d'un homme? Un autre laboureur a exhumé un second squelette. N'a-t-on pas affirmé avec autant d'assurance que c'était celui de Clark? My lord, faut-il rendre les vivants responsables de tous les ossements que la terre a cachés et que le hasard a découverts? Le crâne que l'on montre a été déclaré fracturé, mais qui est en état de préciser la cause de la fracture? En mai 1732, quand on exhuma les restes de William, lord archevêque de cette province, les ossements furent trouvés brisés et le crâne était dans le même état que celui qu'on vous présente. Et pourtant, l'archevêque était mort de sa mort naturelle. Aucune violence n'avait été commise. Que l'on réfléchisse, et l'on verra combien cette fracture s'explique aisément. Lorsque la réforme ferma les monastères de ce pays, les effets destructeurs de cette révolution atteignirent à la fois les morts et les vivants. L'on se mit à chercher des trésors imaginaires, et pour cela on ouvrit les cercueils, on démolit les caveaux funéraires, les tombes, soit dans les cimetières, soit dans les églises. Le Parlement fut même obligé d'intervenir pour mettre un terme à ces déprédations. Et faut-il donc que nous ayons expié les iniquités de cette époque? Dans le pays même où nous sommes, il y avait un château qui fut l'objet d'un siège en règle. Tous les environs ont été le théâtre de combats acharnés, de fuites, de poursuites. Les victimes furent ensevelies dans les endroits où elles étaient tombées. Quelle est la place qui ne puisse servir de tombeau en temps de guerre? Quelle quantité d'ossements ne reste-t-il pas à découvrir dans la suite des temps? Pouvez-vous, parmi tant de chances probables, choisir arbitrairement celle qui est la moins plausible? Pouvez-vous imputer aux vivants ce que peut avoir fait un excès fanatique de zèle? Mais considérons le cas particulier dont il s'agit ici. Peut-il y avoir des griefs plus faibles, plus fragiles? Je dédaigne même d'y faire allusion. Je ne m'abaisserai pas à insister. Le témoignage d'un seul homme, qui était lui-même condamné, ne peut-il se faire qu'il mette ma vie en danger simplement pour sauver la sienne? N'y a-t-il aucune probabilité pour qu'il ait lui-même commis le meurtre, en supposant même qu'il y ait eu un meurtre commis? Il déclare qu'il m'a vu frapper Clark, qu'il l'a vu tomber. Et cependant, il n'a rien dit, il n'a poussé aucun cri d'alarme. Il déclare qu'il ignore ce que le corps est devenu, et cependant, il a dit en quel endroit les ossements se trouvaient. Il déclare qu'il est rentré seul et directement chez lui, et pourtant, la personne chez qui j'étais logé à cette époque déclare qu'alors je suis rentré en compagnie de Houseman. Quant aux autres témoins, voyons-les. Le veilleur de nuit affirme qu'il a vu pendant la nuit Houseman sortir de chez moi. C'est peu probable, mais enfin, quel rapport y a-t-il entre ce fait et le meurtre réel ou prétendu de Clark? Qui se hasarderait à confirmer par serment une assertion aussi vague? L'on dit aussi qu'on a trouvé dans mon jardin quelques débris d'étoffe. Mais qui peut prouver qu'ils appartenaient à Clark? Et si on les a réellement trouvés, qui prouve que c'est moi qui les ai enterrés? Combien il est plus vraisemblable que le véritable assassin, s'il y en a un, a cherché à les cacher non chez lui, mais dans un terrain appartenant à un autre? Vous voyez combien ces témoignages sont peu concluants, et combien les dépositions même les plus précises, les plus explicites, laissent de prise à la critique. Qu'on en fasse des probabilités, qu'on leur accorde le plus haut degré de probabilité, elles sont et resteront des probabilités. Rappelez-vous l'affaire des deux Harrison, telle qu'elle a été rapportée par le docteur Howell. Tous deux furent exécutés à la suite de témoignages matériels au sujet de la disparition d'un homme qui, après avoir emprunté de l'argent, comme Clark, avait quitté le pays à l'insu de tout le monde. Et cet homme revint plusieurs années après l'exécution. Vous rappellerez Jacques Dumoulin au temps de Charles II, et le malheureux Coleman, qui fut convaincu, mais dont l'innocence fut reconnue dans la suite, et dont les enfants périrent de misère parce qu'on avait cru leur père coupable. Vous rappellerez-je encore le parjure de Smith, qui, appelé en témoignage, sauva sa vie en accusant Feinkoff et Loveday d'avoir assassiné Dehaene. Le premier fut exécuté et le second allait subir le même sort quand le parjure de Smith fut découvert et prouvé d'une manière indiscutable. Maintenant, mylord, que je me suis efforcé de démontrer que tout l'ensemble de cette accusation est insoutenable devant tout l'ensemble de ma vie, qu'elle est incompatible avec l'état de ma santé à cette époque, que la disparition d'un individu n'est point un motif suffisant pour permettre d'affirmer qu'il est mort, que me reste-t-il à dire? Je n'ai qu'à tirer une conclusion que j'attends avec autant de raison que d'impatience. Après un an de prison préventive, je me suis résigné à mon sort quel qu'il soit, et je m'en rapporte à la probité, à la justice, à l'humanité de votre seigneurie et à celle de mes compatriotes, messieurs les jurés. Le prisonnier se tut, pendant que la foule laissait éclater ses sentiments longtemps comprimés de sympathie, de compassion, de regret, d'admiration, et que tous se communiquaient leurs désirs et leurs espérances de voir le procès se terminer par un acquittement. Deux personnes étaient seules à éprouver une sensation de malaise, comme si le prisonnier n'avait pas répondu entièrement à ce qu'elles attendaient de lui. La première de ces personnes était Lester, qui comptait sur un plaidoyer plus chaud, plus sérieux, peut-être aussi sur une défense moins ingénieuse, moins arrangée. Il avait espéré qu'Aram s'étendrait davantage sur les contradictions et les invraisemblances que renfermait la déposition de Houseman, que surtout Aram expliquerait d'une manière plus satisfaisante certains points restés obscurs en ce qui concernait ses relations suspectes avec Clark et sa sortie avec le défunt dans la nuit. Il avait écouté avec angoisse la plaidoirie du prisonnier, guettant chaque mot comme si ce mot allait faire pressentir l'explication attendue, et quand Aram se tut, l'angoisse de Lester fit place à un abattement profond, à un désappointement qui persista longtemps dans son esprit. Mais Aram avait abordé avec tant de légèreté, tant de facilité, ces témoignages portés contre lui, que son silence pouvait s'interpréter comme l'effet du dédain, sentiment naturel à un caractère aussi fier et aussi calme que le sien. Quant à l'autre personne, à laquelle nous avions fait allusion, et qui n'avait point paru plus satisfaite, plus convaincue de la vérité de cette plaidoirie, c'était la personne même qui devait décider du sort du prisonnier, c'était le magistrat. Pour Madeleine, de quelle exaltation est capable un cœur de femme quand il s'agit de l'innocence de celui qu'elle aime? Ses joues, pâles jusqu'alors, s'éclairèrent, pour ainsi dire de nuances pourpres, et l'air joyeux et fier, l'œil brillant, elle se tourna vers Éléonore, lui serra la main en silence, et reporta ensuite toute son attention sur la marge de la terrible procédure. Le juge prit la parole. « Il est fâcheux que l'on n'ait point conservé les minutes de ce procès. et qu'il n'en reste que le plaidoyer de l'accusé. Le sommaire du magistrat fut regardé à cette époque comme une pièce presque aussi remarquable que la défense de Haram. Il développa avec le plus grand soin devant les jurés le sens précis des dépositions faites par les témoins. Il fit observer que leurs dépositions confirmaient celles de Haussmann. Il s'attacha aux contradictions signalées dans cette dernière et montra combien ces contradictions étaient naturelles et inévitables, quoiqu'elles n'ôtassent pas au fait lui-même sa valeur essentielle. Il examina l'opinion que Haussmann avait été complice du crime. Cela expliquait pourquoi il n'avait point donné l'alarme et appelé au secours. Il parla ensuite du plaidoyer qu'avait prononcé Eugène Haram. Celui-ci, comme si son innocence devait être son génie protecteur, avait dédaigné de prendre un avocat, même comme conseil, n'avait point signé de témoin. Il fit un éloge magnifique de l'éloquence et du talent déployé par l'accusé, et détruisit tout l'effet de cet éloge en invitant les jurés à se tenir en garde contre cette éloquence, contre ce talent. Il termina en déclarant que, selon lui, Haram n'avait produit aucun argument décisif pour anéantir les charges portées contre lui. J'ai souvent entendu dire par des hommes qui ont l'expérience des cours d'assises que rien n'est plus surprenant que le changement produit dans les dispositions des jurés par le simple résumé du magistrat. Les jurés échangèrent ce regard fatal où l'accusé peut lire sa condamnation prononcée d'avance à l'unanimité. Eugène Haram fut déclaré coupable. Le juge se coiffa de sa toque noire. Haram reçut la sentence avec un sang-froid impassible. Avant de quitter sa place, il se dressa de toute sa hauteur et jeta autour de lui un regard plein de ce courage, de cette assurance naturelle, qui font passer un frisson en ceux sur lesquels il se fixe. C'était une âme qui se resserrait sur elle-même, sans effort, sans convulsion, sans cette hypocrite audace qui confine à l'impertinent dédain. Avec majesté plutôt qu'avec amertume, paraissant braver le destin, et non insulté au jugement prononcé par des hommes, s'enveloppant dans le calme de sa force, et non dans un méprisant oubli d'un autre cœur que brisait le désespoir. « Soutenez-moi encore quelques pas, et cela ira mieux, » dit Madeleine. « Ah, maintenant, je me sens bien, je suis tout à fait remise. » Éléonore releva un peu le store de la voiture pour donner de l'air. Elle en profita aussi pour donner au cocher l'ordre d'aller plus vite. Elle avait saisi dans la voix de Madeleine un changement qui l'inquiétait. Combien son regard était ferme, vous l'avez vu sourire, reprit Madeleine, comme si elle se parlait à elle-même. Et cependant, ils le mettront à mort. Voyons, cette semaine, dans 8 jours, à compter d'aujourd'hui, nous nous reverrons. Plus vite, je vous en prie, Éléonore, dites-lui d'aller plus vite, s'écria Lester, en sentant que le corps de sa fille, qui reposait sur sa poitrine, s'abandonnait, devenait plus lourd. On se hâta, la maison était en vue, maison désormais solitaire et mélancolique. Le soleil se couchait lentement, et Éléonore abaissa les stores pour protéger les yeux de sa sœur contre l'éclat des derniers rayons. Madeleine s'aperçut de cette attention, elle eut un sourire. Éléonore lui essuya les yeux et essaya, elle aussi, de sourire. La voiture s'arrêta. On aida Madeleine à descendre. Soutenue par son père et sa sœur, elle se tint un instant debout sur le seuil. Elle considéra le large disque d'or du soleil, les légers atomes qui voltigeaient dans ses rayons. Toute la contrée était comme endormie dans une paisible immobilité, dans le calme de la vie champêtre. « Non, non, » murmura-t-elle en serrant les mains de son père. « Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas sa main à lui. Ah non, non, je ne suis pas avec lui. Père, » reprit-elle d'une voix plus haute et plus profonde, s'écartant de lui et se tenant un moment debout, sans être soutenue. « Père, ensevelissez ce petit paquet avec moi. Ce sont ses lettres. Ne rompez pas le sceau et dites-lui bien, que je n'ai jamais compris combien je l'aimais profondément que le jour où j'ai vu tout le monde l'abandonner. Je l'aimais, oui. » Elle poussa une faible exclamation de douleur et tomba lourdement sur le sol. Elle vécut quelques heures encore, mais sans prononcer un mot, sans faire le moindre signe, sans que l'on pût deviner si elle vivait encore, excepté par le souffle de plus en plus faible de son haleine, qui s'éteignit bientôt complètement. Le lendemain, Walter, le fils adoptif de Lester, obtint de visiter Haram dans son cachot. Ce matin même, Haram avait vu le vieux Lester, ce matin même, il avait appris de lui la mort de Madeleine. Il n'avait pas versé une larme, et pour employer le langage énergique de l'écriture, il avait tourné sa face vers le mur. Personne n'avait surpris son émotion. Mais le vieux Lester devina qu'en ce moment sa fille était dignement pleurée. Aram ne leva pas les yeux lorsque Walter Lester entra, et le jeune homme était devant lui, le touchait presque avant qu'il se doutât de sa présence. Alors il se redressa, tous deux se regardèrent un instant face à face, sans échanger un mot. À la fin, Walter dit d'une voix sourde « Eugène Aram, eh bien ?»« Madeleine Lester n'est plus. On me l'a pris. Je suis résigné. Mieux vaut maintenant que plus tard. »« Aram, » dit Walter dont la voix tremblait d'émotion, et en lui serrant passionnément la main. « Je vous en prie, je vous en supplie. En ce moment terrible, il est en votre pouvoir d'ôter de mon cœur un poids qui l'écrase, et qui ne saurait y rester sans faire de moi pour toute ma vie un homme digne de pitié. Je vous en prie, au nom de l'humanité, au nom de vos espérances célestes, ôtez ce poids qui pèse sur moi. Le temps est passé où votre refus d'avouer pouvait changer votre destinée. Vos jours sont comptés, et il ne vous reste aucun espoir de vous sauver. Je vous en supplie, si vous avez été entraîné, je ne sais où ni en quel moment, à exécuter le crime pour la punition duquel vous êtes condamné à mort, dites-moi un mot, un seul mot d'aveu, et moi, le fils unique de l'homme que vous avez tué, je vous pardonnerai du fond de mon cœur. » Walter s'arrêta, ne pouvant dire un mot de plus. Aram fronça les sourcils à plusieurs reprises, se détourna, ne répondit pas, sa tête retomba sur sa poitrine et ses yeux restèrent fixés sur le sol. « Réfléchissez, » reprit Walter, en reprenant possession de lui-même. « J'étais l'instrument muet dont le destin s'est servi pour vous conduire où vous êtes. Soyez compatissant, Aram, ayez pitié. Si cette action terrible a été exécutée de votre main, dites-moi un mot, un seul mot, pour dissiper l'horrible incertitude qui pèse sur moi, sur tout mon être. Qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'opinion pour vous? Dieu seul vous jugera en dernier ressort. L'œil de Dieu lit dans votre cœur au moment même où je prononce ces paroles, et dans cette heure redoutable où les portes de l'éternité vont s'ouvrir devant vous. Si cette action coupable a été réellement votre œuvre, songez combien votre faute sera atténuée, si vous triomphez de l'endurcissement de votre cœur, et si vous soulagez ainsi un être humain qui, sans cela, serait condamné à une existence maudite. Aram, Aram, si c'est vous qui avez frappé le Père, faut-il que la vie du Fils lui devienne un fardeau insupportable, grâce à vous encore? Que voulez-vous de moi? Parlez, dit Aram, sans relever la tête. Il y a dans votre naturel bien des choses qui contredisent la possibilité de ce crime. Vous êtes réfléchi, calme, bienfaisant vers les affligés. La rancune, la passion, oui, le dirais-je, les angoisses de la faim peuvent vous avoir poussé un crime, un seul, mais votre âme n'est pas complètement endurcie. Et je crois que j'aurai encore quelque confiance en vous, en ce moment terrible, où le corps de Madeleine est à peine refroidi, quand le fils de la victime est debout devant vous. À ce moment, si vous mettiez la main sur votre cœur et que vous me disiez « En présence de Dieu et au péril de mon âme, je vous jure que je suis innocent de ce crime, je partirai, je vous croirai. Je supporterai du mieux qu'il me sera possible l'idée d'avoir été, d'une manière inconsciente, un des instruments qui ont servi à condamner un innocent à une mort terrible. Mais si dans une pareille crise, vous vous sentez incapable de prononcer ce serment, ou alors soyez généreux, même après votre faute, ne permettez pas que je sois hanté par le spectre d'un doute qui ne me laissera de repos ni le jour ni la nuit. Parlez, parlez donc. » On peut juger de ce que cette invocation devait avoir d'écrasant pour une âme aussi fière, aussi hardie, quand le fils de la victime était devant Aram pour s'humilier, s'abaisser à la supplication. Mais Walter avait entendu la défense d'Aram. Il avait remarqué l'expression de sa physionomie plus d'une fois pendant le cours du procès. Il avait surpris les regards du prisonnier et avait senti son cœur comme pris dans un étau glacé, en se disant que quand même la sentence aurait absous l'accusé, lui-même l'aurait condamné. Combien son état d'esprit avait dû être terrible lorsque, revenant chez Lester, il avait appris que cette maison était devenue une maison de deuil et qu'une créature angélique et pure en était sortie, quand il avait vu le père pleurant son enfant sans vouloir se laisser consoler par Éléonore. Non, des scènes comme celle-là, des pensées pareilles, sont bien faites pour briser l'orgueil d'un homme. « Walter Lester, » dit Aram après un instant de silence, mais en relevant la tête avec un air de dignité, quoique sa physionomie portât l'expression du malheur, d'une souffrance inexprimable. « Walter Lester, j'avais songé à sortir de la vie en gardant pour moi mon secret. Mais ce n'est pas en vain que vous avez fait appel à mon cœur. Je veux arracher de mon âme l'amour-propre. Je renonce au dernier et orgueilleux rêve dans lequel je m'enveloppais pour ne point voir les maux qui m'environnent de toutes parts. Vous saurez tout, et vous me jugerez en conséquence d'après ce que vous aurez appris. Mais votre oreille ne doit pas entendre ce récit. Le Fils ne saurait entendre dire en silence ce que je dois dire du mort tout en me condamnant moi-même. Mais, reprit Aram d'une voix plus basse, laissant errer son regard comme distrait, le temps ne nous presse pas. Il vaut mieux que ce soit la main qui parle plutôt que la langue. Oui, l'exécution aura lieu dans, voyons, dans 2 jours. Demain. Non, jeune homme, dit-il en se tournant brusquement vers Walter, après-demain, vers 7 heures du soir, la veille du jour qui sera le dernier jour pour moi. Venez me voir. À ce moment, je mettrai entre vos mains un papier renfermant le récit de tout ce qui me concerne, ainsi que votre père. Si la parole d'un homme qui a le pied sur le seuil d'un autre monde a quelque valeur, vous verrez que je n'aurai rien omis de ce qu'il vous importe de savoir. Mais ne le lisez que quand je ne serai plus, et ne faites confidence de ce récit à personne, jusqu'au jour où le vieux Lester sera lui-même descendu dans la tombe. Jurez-le-moi. Ce sera peut-être un serment difficile à tenir, mais... Aussi vrai que je crois en mon rédempteur, s'écria Walter, avec un accent de ferveur solennelle. Je vous jure que je remplirai ce double engagement, mais maintenant, dites-moi au moins, ne m'en demandez pas davantage. Interrompit Aram. Le moment approche où vous saurez tout. Faites en sorte de passer le temps comme vous pourrez jusqu'alors, et laissez-moi, oui, laissez-moi, allez-vous-en, ne tardez pas davantage. S'étendre à loisir sur les détails pénibles qui ne satisfont pas la curiosité n'est nullement une nécessité pour l'intérêt d'un drame, ou de ce genre qui a plus de noblesse encore que le drame, car il demande un soin plus minutieux, comporte des descriptions plus détaillées, approfondit beaucoup plus attentivement les motifs et commande à une plus grande variété de cordes dans l'âme humaine. Passons donc outre, sans jeter même un regard autour de nous dans la chambre mortuaire, sans paraître apercevoir le vieux Lester dont le cœur est brisé, ni la double agonie de son autre fille, cette agonie qui, tout en souffrant, cherche à adoucir et à consoler une autre souffrance. Passons de même à côté des émotions multiples qui agitent Walter dans son impatience fébrile, qui le porte à vouloir percer avant l'heure le terrible mystère, qui se révèle dans les pages qui se succèdent sous la plume du prisonnier dans le cachot solitaire. Nous voilà arrivés enfin à la soirée où Aram vit Walter Lester pour la dernière fois. Vous êtes venu à l'heure exacte, dit Aram d'une voix basse mais distincte. Je n'ai pas oublié ma parole. L'accomplissement de cette promesse a été une victoire emportée sur moi dans des circonstances dont je suis seul en état de connaître la gravité. J'ai acquitté ma dette. J'ai fait plus que je ne m'étais d'abord proposé de faire. J'ai développé mon récit d'une manière complète, en l'étendant à toute la durée de ma vie. Je me devais à moi-même cette prolixité. Rappelez-vous votre promesse. Ce sceau ne doit pas se rompre avant que le pouls ait cessé de battre dans la main qui vous tend ses papiers. Walter renouvela son serment, et Aram, après avoir gardé un instant le silence, reprit d'une voix altérée et adoucie. « Soyez bon pour Lester, consolez-le, soutenez-le. Faites en sorte que jamais un mot, un signe, ne vous échappe qui puisse modifier l'opinion qu'il doit garder sur moi. Vénérable vieillard, c'est pour lui, plus que pour moi, que je vous fais cette prière. La chaleur d'une véritable affection humaine a bien rarement échauffé mon cœur. Aussi, combien j'ai libéralement rendu l'amour que quelques-uns, en bien petit nombre, m'ont témoigné. Mais ce n'est pas le moment d'échanger des propos avec vous. Adieu. Cependant, avant que nous nous séparions, j'ai encore un mot à vous dire. Quoi que j'ai révélé dans cette confession, quels que soient mes torts envers vous, quel que soit le langage que j'emploie à votre égard, c'est encore là une légère offense. En me justifiant moi-même, ou à l'égard de votre père, je vous jure qu'il n'y a rien dans cet écrit que vous ne puissiez me pardonner d'avance. Je vous l'accorde franchement, de tout mon cœur. Le jour qui vous conduira où je dois aller demain matin, dit Aram d'une voix profonde, je désire que vous obteniez le même pardon. Adieu. Dans cette foule innombrable d'hommes qui vivent autour de nous sans avoir subi l'épreuve du jugement, qui sait si nos âmes, après avoir progressé de monde en monde, après avoir franchi 1000 degrés intermédiaires, ne se rencontreront pas un jour, dans bien des siècles peut-être, et ne retrouveront pas un souvenir lointain du lien que leur présente a formé entre nous. Adieu. Nous n'avons pas pris envers le lecteur l'engagement de laisser le sceau intact, jusqu'après la mort de Haram, et nous avons le droit de transcrire cette confession si étrange, non seulement par les faits qu'elle expose, mais encore par les pensées qui s'y agitent. C'est la confession d'une âme fière, qui a dévié de son orbite, pour aller se perdre dans je ne sais quelle région obscure et malfaisante du chaos. Pour moi, je n'ai point cherché à attirer l'intérêt du lecteur par ces procédés vulgaires et communs qu'aurait pu me suggérer un récit pareil, et je me suis borné à enregistrer ce qu'Aram lui-même a écrit.